1875 in Silver City, Nevada. Mit seinem Vater George Taylor 1897 nach Seoul gekommen. Gestorben im Juni 1948 in Glendale, Kalifornien. Ehefrau Mary Lindy Taylor, einziges Kind, Bruce Tickle Taylor. So steht es auf dem Grabstein. Professor Kimi Xang berichtet, dass er schon mehrfach hierher gekommen sei. Ich war schon öfter hier. Bevor ich von der Familie Taylor gehört hatte, gab es für mich keinen Grund, hierher zu kommen. Ich wusste nicht einmal, dass es einen solchen Ort in Seoul gibt. Der Grabspruch für Albert Taylor lautet: Wenn auch erfüllt ist deine Pflicht auf Erden, so ging doch verloren dein Heim und genommen wurden dir deine Verdienste. Albert bemühte sich, nach der Befreiung des Landes nach Korea zurückzukehren. Er schrieb sogar Briefe an das amerikanische Militärregime in Korea und betonte, dass er mehrere Jahrzehnte in Korea gelebt habe und sein Wissen über das Land eine große Hilfe sein könne. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Er starb 1948 und nur Mary Taylor kam zurück, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Hier wurde er schließlich beigesetzt. Albert Taylor zeigte der Welt, was Korea auf sich genommen hat, um die Unabhängigkeit zu erreichen. Nicht nur Albert Taylor und seine Frau Mary, die ihr Leben in Korea dokumentiert hat, gebührt Dank, sondern auch ihrem Sohn Bruce, der hier geboren und aufgewachsen ist, und ihrer Enkelin Jennifer, die ihre kostbaren Erinnerungsstücke großzügig an Korea gespendet hat. Das 100-jährige Jubiläum der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März bietet angemessene Gelegenheit, sich an die Taten dieser mutigen Familie zu erinnern. Als ich Korea 1948 das letzte Mal besuchte, stand ich lange vor Dilkusha, unserem Palast der Herzensfreude, und betrachtete das Haus. Der Ginkgo-Baum neben dem Haus stand majestätisch da, mit leuchtenden goldenen Blättern. Ich streichelte den Grundstein und ging dann ins Haus. Ich schaute aus dem Fenster im ersten Stock und sah in der Ferne den Gipfel des Hwanaksan, überflutet vom Sonnenlicht. Es kam mir so vor, als hörte ich von Weitem das Robert Burns Gedicht, das Albert so gerne für mich rezitiert hatte. Und würden trocken Strom und Meer, schmelzen Fels und Stein, ich würde dennoch immer da dir Herz und Seele weihen. Dilkusha und die Bernsteinkette. Die KBS World Radio Sondersendung zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks. Amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hangul, découverte gastronomique et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 23 février. Au sud admission en médecine, le Premier ministre exhorte les jeunes médecins à revenir vers les patients. Washington-Tokyo, les ministres des Affaires étrangères se retrouvent à Rio. Une bonne nouvelle pour les amis, Dynamite dépasse 1,1 milliard de vues sur YouTube. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ouraïan. Le Premier ministre a déclaré que l'action collective des médecins internes et résidents était une méthode dangereuse risquant d'anéantir les rêves des jeunes docteurs. Ainsi, il les a appelés à revenir vers la population et les patients avant qu'il ne soit trop tard. Ndoksou a tenu ce propos ce matin lors d'une réunion gouvernementale tenue pour répondre à la protestation du milieu médical contre l'augmentation des admissions dans les facultés de médecine. Selon Han, l'exécutif doublera les honoraires médicaux pour les soins des patients en état grave ou d'urgence pour faciliter l'embauche de personnel temporaire. Également, des médecins publics et militaires seront envoyés dans les grands hôpitaux où les traitements essentiels sont retardés. Sachez qu'à 8h ce matin, le gouvernement a élevé le niveau de la crise médicale et sanitaire à grave le plus élevé. D'après le ministère de la Santé, 8897 médecins internes et résidents ont jusqu'ici démissionné dans 94 centres médicaux. Dans 11 universités, les étudiants en médecine ont refusé de suivre leurs cours. Le chef de l'ordre Jogi a réagi. La vie humaine est la valeur la plus importante. C'est ce qu'a déclaré hier le vénérable Tino. Selon lui, suite aux démissions massives des internes et résidents, il n'y a pas de médecins pour soigner les malades dans les établissements médicaux. Une vacuité sans précédent d'après lui. Tout en rappelant que rien n'est plus précieux que la vie humaine, il a appelé les jeunes docteurs à revenir au plus vite et à sauver des vies. En même temps, le grand moine bouddhiste a demandé au gouvernement d'écouter la voix des blouses blanches et d'établir une politique pour tous. Nous nous envolons pour le Brésil. Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se sont retrouvés jeudi après-midi à 3 à Rio de Janeiro en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Il s'agit de la première réunion des chefs de la diplomatie des trois nations depuis novembre dernier à San Francisco. C'est aussi la première fois que Joe Taylor s'entretient avec ses homologues américains et japonaises puisqu'il a pris ses fonctions en janvier. Au menu de leur discussion, les mesures conjointe à prendre face à la menace de la Corée du Nord ainsi qu'au renforcement de la coopération Pyongyang-Moscou. Tout en rappelant que l'année 2024 marque le 30e anniversaire du sommet Séoul-Washington-Tokyo, Cho a espéré que sa rencontre avec Blinken et Kamikawa serve de pierre miliaire à l'itinéraire à 3. Rio, Cho a assisté à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 donc. À cette occasion-là, le chef de la diplomatie sud-coréenne a appelé au G20 qui devait jouer un rôle majeur dans la réaction ferme et unie aux actions illégales de la Corée du Nord. Il a cité comme exemple son développement et ses provocations nucléaires et balistiques, la coopération militaire Pyongyang-Moscou, ainsi que ses violations répétées des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En particulier, il a souligné que le pays communiste développait des armes nucléaires et des missiles tout en sacrifiant les droits de l'homme. Le Sud-Coréen a également mis en avant la nécessité pour le G20 de renforcer la coopération internationale sur les questions mondiales telles que le changement climatique, la transition numérique et le développement durable. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, il a mentionné les efforts de Séoul pour promouvoir la paix et la reconstruction du pays dans le cadre de l'initiative de solidarité pour la paix en Ukraine publiée en juillet 2023. Après avoir terminé son programme au G20, Cho s'est envolé pour les USA, où il doit rencontrer le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Intérieure à présent. La cote de popularité de Yoon Song-yeol est en légère hausse. C'est ce que nous montre l'enquête de Gallup Corée. Elle a été réalisée entre le 20 et le 22 février auprès de 1003 adultes. 34% des sondés ont jugé son bilan positif, soit un point de plus que la semaine précédente, notamment pour la politique étrangère et la hausse du nombre d'admissions dans les facultés en médecine. Par contre, le chef de l'État a encore recueilli 58% d'opinions négatives. positive. Les principales raisons, l'économie, la vie de la population et les prix, ainsi que son attitude autoritaire et unilatérale. Cette enquête a été menée par téléphone avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3,1 points. Nous rejoint à présent pour notre chapitre culture. Le pavillon Injongjan de l'ancien palais royal Changdeok sera ouvert au public le mois prochain. L'administration de l'héritage culturel a en effet annoncé que les visiteurs pourront découvrir son intérieur du mercredi au dimanche après avoir réservé à l'avance ou s'être inscrit sur place. Seulement 20 personnes peuvent y entrer à la fois pour le préserver. Les mercredis et jeudis, le pavillon sera inclus dans la visite guidée régulière du palais et les vendredis, samedi et dimanche dans le programme de visite des bureaux administratifs. Désigné comme trésor national, Injongjeon était le lieu d'accueil des événements officiels importants tels que le couronnement du monarque, la cérémonie de célébration et les rencontres avec des envoyés étrangers. Et un mot de K-pop pour terminer. Les Bangtan Boys continuent de battre des records. Leur clip Dynamite a dépassé 1,8 milliard de vues sur YouTube. C'est ce qu'a annoncé ce matin son agence de production Big Hit Entertainment. C'est la première fois que BTS atteint ce palier sur la plateforme de streaming vidéo. Le single, sorti en août 2020 pendant la pandémie de Covid-19, est une chanson disco-pop délivrant un message de joie de vivre et d'espoir. Le clip, à l'image des paroles, est tout aussi réconfortant. Dynamite établit donc un nouveau record. En effet, avec ce morceau, le boys band était devenu le premier artiste de K-pop à atteindre la première place du classement principal du Billboard américain Hot 100 à la sortie dans les bacs. Merci de votre attention. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de la question Tendez l'oreille du mois de février. Le nouvel ouvrage de Saucy Dark a remporté le Fauve spécial du jury au Festival d'Angoulême 2024. Mais quel est son titre? Pour trouver la bonne réponse, il vous suffit de regarder attentivement l'une de nos premières vidéos sur Instagram. Le What's in my bag de Ryan. Alors, à vos plumes ou à vos claviers, envoyez-nous votre réponse et vos coordonnées par email à french@kbs.co. Vous avez jusqu'à la fin du mois de février. Soyez nombreux à participer et merci de votre fidélité. À l'approche du 1er mars, nous vous proposons de réécouter ce soir Dilkusha et le collier d'ambre. Il s'agit d'une émission spéciale qui a été réalisée en 2019 à l'occasion du centenaire du soulèvement du 1er mars sous l'occupation japonaise. Entre le journal et cette émission spéciale, vous aurez également droit à une petite leçon de coréen à Nyonghaseyo. Révisez quelques expressions utiles de la vie de tous les jours à travers le drama Le Bon Docteur. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Et comme nous étions cette semaine exactement à la moitié de notre drama du docteur, le bon docteur, nous en avons profité pour revoir chacune des expressions des 6 premières semaines. En effet, une révision plus globale avant de s'attaquer à la deuxième partie de la série. Alors on pourrait commencer par ça. Notre expression de la première semaine était Olenio, qui veut dire vite. Attention hein, à bien détacher les deux consonnes, Iol. Olenio. La deuxième expression marque la bienvenue. Bienvenue en Corée du Sud, ce sera Hanbuge, Oshin Gosel, Wanyang Hamnida. Très bien. Et nous enseignons avec Molo Nijo, qui a le sens de bien sûr, bien entendu, évidemment. On peut tout simplement dire aussi Molo Nijo, que l'on emploiera envers quelqu'un que l'on tutoie. La quatrième expression était un peu plus longue et plus cérémonieuse. Tulil Alsemi Opsumnida, je ne sais quoi vous dire. Tulil Malsemi Opsumnida. Le vocabulaire hein, et la conjugaison expriment ici un haut niveau de politesse. Et nous restons dans un standard de langue toujours très correct avec la cinquième expression, Otoke Oshosoyo. Quel est l'objet de votre visite? Est-ce que je peux vous aider? Otoke Oshosoyo. Oui, c'est une forme pour demander la raison de la venue d'une personne et non la manière hein, par laquelle elle est arrivée. Otoke ne s'interprète donc pas ici comme comment. Et puis l'expression de la sixième semaine qui était Louis. Chosumhei. Oui, fais attention de manière plus formelle, on dira Chosumheiro ou Chosumhaseyo. Voilà donc les six expressions que nous avons vues et je vous propose maintenant de passer à l'extrait de cette semaine. C'est une ambiance joyeuse puisque Kim Do-han vient d'annoncer que Park Hyun pouvait continuer d'exercer à l'hôpital comme interne. Écoutons à nouveau ce que dit juste après l'un des autres docteurs. Ça y est, super, chouette. C'est notre expression de la semaine qui est davantage une interjection pour exprimer un contentement. Et il rajoute, je suis enfin libéré des appels de nuit. Alors retenez, enfin qui se dit, j'ai enfin fini. Écoutons la suite de l'extrait. D'abord sur ton dos, hein, renversez-le, penchez-le. Opta est un verbe qui a le sens de renverser, mettre à l'envers. Souvenez-vous de Iltan, hein, qui signifie d'abord, dans un premier temps. Tu connais des synonymes, Louis? Oui. Usun et Monjo. Exact, hein, Monjo. Et enfin, Injan Pam, hein, qui n'est pas réellement traduisible. C'est davantage ce que l'on dit lorsque l'on pratique ce genre de gage qui consiste à donner des tapes sur le dos. C'est un jeu pratiqué par des enfants. Et ça fait plutôt drôle de voir des médecins faire ça. Ça montre en tout cas qu'ils ont su rester jeunes. Allez, nous avons revu l'essentiel. Écoutons une dernière fois l'extrait pour conclure. À tous et à lundi prochain pour un nouvel extrait de notre drama Good Doctor, le bon docteur. Well, when I found out that Dilkusha was going to be classified as Quand j'ai appris que Dilkusha serait désigné bien plus doré, je me suis immédiatement dit, c'est tout naturel. Tous les objets devraient être retournés dans cette maison, puisque c'est à Dilkusha qu'ils appartiennent. Jennifer Lindy Tyler, une artiste vivante en Californie aux États-Unis, a beaucoup entendu parler de la maison d'enfance de son père, Bruce Tyler. Cette vaste demeure, située dans un pays lointain et peu familier qu'est la Corée, dans laquelle Bruce a passé une enfance heureuse, a été baptisée Dilkusha, qui signifie palais des délices du cœur en sanskrit. Ses grands-parents, Albert et Marie, ont donné naissance à leur fils unique à Séoul. Le dernier souhait de Bruce était de retourner dans sa ville natale. C'est la raison pour laquelle Jennifer a décidé d'offrir les précieux objets de famille à la Corée du Sud. Dilkusha, Je suis entré en contact avec les Taylor lorsque je cherchais des traces de la maison d'Ilkusha. Lors de sa visite en Corée du Sud en 2006, Bruce Taylor a fait don de photos des funérailles de l'empereur Gojong et des paysages de Séoul de l'année 1929. Il est décédé en décembre 2015, mais sa fille Jennifer a décidé de nous offrir tous les objets de famille pour restaurer Ilkusha. Je me suis donc rendu à Mendocino en Californie en octobre 2016 pour les récupérer. Kim Dong-jun, conservateur du musée d'histoire de Séoul, a par la suite ouvert une exposition spéciale d'objets acquis auprès des Taylor. L'exposition suit les traces du couple Taylor et de sa maison à Séoul. Marie Taylor l'a nommé Ilkusha en s'inspirant de son voyage à Lucknow en Inde. Et le collier d'ambre est le titre de son autobiographie. Dans ce livre, elle relate sa vie à Joseon sous l'occupation japonaise à travers le collier qu'elle chérissait. Ilkusha et le collier d'ambre est l'histoire d'une famille américaine qui est profondément liée au destin du pays matriclair du début du XXe siècle. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au centenaire du soulèvement du 1er mars d'Ilkusha et le collier d'ombre. Le soulèvement du 1er mars, appelé Sangmil Undong en coréen, est un mouvement de résistance non violent lancé il y a exactement 100 ans par le peuple coréen alors sous le joug colonial du Japon. L'histoire des Taylor en Corée aurait pu rester oubliée à jamais, car Bruce, qui voulait retrouver la maison de son enfance, ne pouvait se rappeler ni l'adresse ni son emplacement. Tout ce dont il se souvenait, c'était qu'il se trouvait près d'un arbre de Shango, planté par un général connu pour ses exploits remarquables lors de l'invasion japonaise de la Corée à la fin du XVIe siècle. C'est le professeur Kim Hyuk-sang du département de théâtre et de cinéma à l'université Seoul qui a réussi à revoir le trésor scellé des souvenirs à l'aide de ce vague 110. J'ai reçu un email en 2005 du consulat général de Corée à San Francisco. Dans ce message destiné aux producteurs cinématographiques sud-coréens, on nous faisait une proposition de tourner un film sur un vieil homme vivant à Mendocino, en Californie, qui affirmait avoir résidé dans la péninsule avec sa famille et avait des documents sur le soulèvement du 1er mars. Je me suis dit, si sa famille a vraiment participé au mouvement d'indépendance pendant la période coloniale, cette histoire pourrait être la version coréenne de la liste de Schindler. Je suis donc allé voir Bruce Taylor et il m'a donné le livre d'Ilkusha et le collier d'ambre en disant qu'il voulait retrouver la maison de son enfance. Je n'avais aucun moyen de le localiser car il ne se souvenait que de l'adresse à la japonaise. Mais selon le livre, la maison se trouverait près de la prison de Sodemun. J'ai alors commencé à collecter des informations pour savoir s'il y avait un quartier proche de la prison avec un vieil arbre de ginkgo. C'est ainsi que j'ai trouvé le nom de Zeng Chondong. J'ai ensuite contacté le centre de services communautaires et un employé m'a dit qu'il y avait bien une maison correspondante à la description. Nous sommes maintenant devant Ilkusha, la maison près d'un vieil arbre de Shinko que le général Cronieux aurait planté. Elle a été construite par les parents de Bruce, Albert et Marie Taylor, et les trois y ont vécu jusqu'à ce qu'ils aient été forcés de quitter Séoul en 1942, et qui était alors pour eux un véritable palais de délices du cœur. Mais remontons le temps avant la naissance de Bruce et retournons à septembre 1917. M'a offert un beau collier d'ombre car j'étais plongée dans une grande tristesse après que ma chaîne d'ombre offerte par ma famille avant la première guerre mondiale se soit cassée. Peu de temps Après, nous nous sommes mariés à Bombay en Inde et sommes arrivés à Séoul en passant par Busan en septembre 1917. Nous sommes montés dans la voiture de mon beau-frère William à la gare de Namdaemun pour nous diriger ensuite vers une petite maison grise près de Sotemun. C'est ainsi que mon aventure à Séoul a commencé. J'étais très étonnée d'apprendre qu'environ 150 étrangers de nationalités différentes vivaient à proximité. En hiver, des soirées étaient souvent organisées et celles du Seoul Union Club étaient les plus prisées. Nous avons fondé des clubs sportifs au sein desquels nous pratiquions divers sports selon les saisons. Nous nous entendions à merveille. Le couple américain nouvellement marié s'est installé à Séoul à l'automne 1917. D'après Marie, quelques 150 ressortissants étrangers vivaient près de chez elle. Écoutons le directeur de l'Institut d'histoire du christianisme de Corée, Kim Sung-tae, qui nous en dit plus. Selon l'annuaire statistique du gouvernement général japonais, plus de 66 000 Japonais et 1 700 Chinois résidaient à Séoul à l'époque. Ceux des autres nationalités comptaient 122 ménages de 290 personnes, en incluant les enfants. La mémoire de Marie est donc presque exacte. D'après vous, pour quelle raison ces étrangers sont venus dans ce petit pays de l'Asie ? La plupart des Occidentaux étaient des missionnaires chrétiens avec leurs familles. Il y avait aussi des diplomates et leurs familles, ainsi que quelques hommes d'affaires, commerçants, journalistes ou encore des voyageurs. Il devait y avoir des communautés d'étrangers. Ils n'étaient autorisés à résider que dans certaines zones proches du port. Les diplomates devaient vivre dans la capitale et des résidences officielles ont donc été créées dans le quartier de Jeongdong à Séoul. Des diplomates et des missionnaires s'y sont installés. Dans son livre, Marie parle du Séoul Union Club, qui était l'endroit où les diplomates, les missionnaires et les autres étrangers se rassemblaient pour se divertir. Ils pratiquaient des activités de loisirs, notamment l'équitation, le patinage et la chasse, pour échapper à l'isolement pour échanger des informations, une façon pour eux de surmonter le mal de leur pays. Marie Tyler s'est adaptée à la vie en Corée en fréquentant les membres de ce club. Qu'est-ce qui a donc incité le couple à construire une maison baptisée Dilkusha au pied du mont Inang? Retrouvons à nouveau le professeur Kim Pik-sang. Dilkusha est à présent en cours de restauration. La propriété n'étant pas clairement définie, la maison a été divisée entre plusieurs familles dans les années 60, et cela de façon illégale. Sur le plan légal, elle est la propriété de l'État, mais elle n'a pas encore été correctement entretenue pendant près de 60 ans. Heureusement, les occupants ont accepté de quitter les lieux et le gouvernement a décidé de restaurer la bâtisse. À peine à une minute à pied de Dilkusha se trouve le mur de la forteresse de Séoul. Dans son livre, Marie a écrit qu'elle allait en promenade le matin avec son fils Bruce et son chien le long de ce mur jusqu'à Sukjongmun, la grande porte nord de la ville de Séoul. Le mur est situé assez haut sur la colline. Comment les Tyler l'ont-ils découvert? Lisons à nouveau un passage du livre de Marie. Un jour, Albert et moi sommes allés nous promener le long du mur qui entoure Séoul. Nous sommes passés à côté d'un grand arbre d'environ 30 mètres de haut. Je n'avais jamais vu de tels arbres. Le tronc était de 500 cm de diamètre et l'écorce de couleur grise était lisse. Les branches étaient épaisses et les racines recouvraient le sol comme des serpents. J'ai demandé à Albert comment s'appelait cet arbre. Son nom est Jinko. Les botanistes l'appellent fossile vivant. Les Coréens l'adorent. Ils n'en plantent que dans des lieux sacrés ou dans des palais. Ils donnent des fruits argentés, mais tu peux l'appeler comme tu veux. J'ai décidé de le nommer notre arbre. Je voulais vraiment avoir cet arbre. Et l'emplacement était idéal pour construire une maison. Dès ce jour-là, je me rendais souvent là où l'arbre se trouvait pour me plonger, assise à ses pieds dans des rêveries, tout en regardant Séoul recouvert de brouillard. Marie est tombée amoureuse de l'arbre de Junko qu'elle a vu pour la première fois de sa vie. Puis elle s'habitue à sa nouvelle vie en Corée et puis elle découvrait que ce pays était l'endroit rêvé pour les alpinistes. Elle a accompagné son mari ingénieur des mines lors d'un voyage d'affaires à Wonsan dans la province de Gangwon et visita ainsi les monts Geumgang qui se trouvent aujourd'hui en territoire nord-coréen. Ce voyage a été une occasion rare pour elle d'entendre ce que les Coréens pensaient vraiment de leurs occupants japonais. Voici un autre passage du livre de Marie. Nous sommes partis avant même le lever du soleil et avons grimpé jusqu'au pic Mamulsan qui offre une vue panoramique sur tous les monts Geumgang. Nous avons atteint le sommet pour découvrir des rangées de montagnes majestueuses qui se déployaient les unes après les autres devant nos yeux. Les Coréens les appellent les 12 000 pics, mais à mon avis, ces sommets ressemblent aux mains étendues d'innombrables âmes qui ont péri durant l'éternité, suppliant un dieu silencieux de leur offrir la rédemption. Quelques heures plus tard, nous sommes descendus jusqu'à la cascade de Kulung pour faire une pause. Monsieur Yang, l'étudiant coréen qui nous servait de guide, s'est approché de moi et m'a posé une question à voix basse. Marie, êtes-vous amie de la Corée? Quand j'ai hoché la tête, il a continué. Ces maudits japonais, ils nous ont tout pris. Mais comme le disait un journal américain, nous allons retrouver l'indépendance, je le jure. C'était la première fois que j'entendais un coréen parler d'un point de vue purement coréen. Cette nuit-là, à l'auberge, j'ai pu voir une nouvelle fois le vrai visage des Coréens. Nous avons séjourné dans une maison à toit de chaume bien idyllique. Albert a engagé la conversation avec le vieux propriétaire après le dîner. La vieille homme n'a pas pu cacher sa fureur lorsqu'il nous a montré du doigt, pile au bon, le pic où se trouvait un hôtel appartenant à des Japonais. Plus tard, Albert m'a raconté ce qu'il lui avait dit. C'était un noble, mais les Japonais ont confisqué ses terres après avoir aboli le système des classes sociales. Il m'a dit que l'hôtel de Binobong était auparavant le sien. Sa seule raison de vivre est l'indépendance de son pays. Marie Taylor a pu sentir la ferveur des Coréens pour l'indépendance lors de son voyage au mont Geumgang. Kim Sung-tae, directeur de l'Institut d'histoire du christianisme de Corée, nous raconte comment les étrangers ont perçu la résistance des Coréens face à l'oppression japonaise. Les Japonais ont justifié leur guerre avec la Chine en 1849 et avec la Russie en 1904 comme une tentative de maintien de la paix en Asie. En réalité, ils essayaient de coloniser la Corée. L'armée nippone a stationné 2 divisions sur le sol coréen pour soutenir la guerre russo-japonaise. Mais après la fin du conflit, les soldats sont restés en Corée. Selon les documents historiques, ils ont tué 150 000 miliciens coréens qui avaient lutté contre les autorités japonaises. En août 1910, la Corée est annexée de force par le Japon qui, 2 mois plus tard, installera un gouvernement général pour la diriger sous contrôle de la gendarmerie. Le Japon prive les Coréens de liberté, dissout toutes les organisations, même pro-nippones, saisit des terres et des propriétés appartenant aux Coréens pour les distribuer aux colons japonais. Il y a de nombreux soulèvements civils qui ont eu lieu avant celui du 1er mars. Les correspondants étrangers en Corée pour couvrir la guerre russo-japonaise sont témoins des luttes miliciennes contre les oppresseurs nippons. En fait, le Daehan Mail Shinbo ou le The Korea Daily News, fondé par le journaliste coréen Yang Ki-tak et la journaliste britannique Ernest Thomas Bessel ont été les premiers à utiliser le terme « œil biang », littéralement « armée vertueuse » pour désigner les miliciens. « 토지를 약탈하고 일본 이민들을 Puis l'oppression du Japon devenait impitoyable, plus les efforts du peuple coréen pour retrouver son indépendance seront forcés. Lisons encore un extrait du livre de Marie qui parle de ce qu'elle a vu lors de son voyage au Hong Kong. A été construit au 7e siècle. Son nom signifie lieu de repos éternel. Quelques jeunes moines bouddhistes nous ont accompagnés à la chambre d'invités. Le sol était bien chauffé et l'air nocturne était doux. Nous avons ouvert la porte coulissante pour regarder le clair de lune reflété sur la surface de l'eau. C'est à ce moment-là que nous avons entendu une mélodie assez triste venant de la pièce voisine. Ariran, Ariran, Arario. Je traverse le col Ariran. Tout comme il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel bleu, il y a aussi beaucoup de soucis dans mon cœur. Albert m'a dit que la chanson parlait de la vie des déracinés de la dynastie Joseon. Il existe plusieurs dizaines d'interprétations différentes des paroles de cette chanson. Quelles que soient les paroles, la mélodie elle-même semble avoir une connotation politique, une sorte de code secret, dirais-je. Lorsque le Japon a érigé en Corée un protectorat doté d'un résident général dès la fin de la guerre russo-japonaise, les habitants du pays du matin clair ont traversé la frontière pour se réfugier en Mandchourie. Des milliers de soldats les ont rejoints après la dissolution de l'armée coréenne par les occupants. Des expatriés ont établi un quartier général dans la province de Jilin en Chine et formé les combattants de l'armée de libération. Depuis l'annexion de la Corée par le Japon en 1910, de plus en plus de Coréens viennent au Mongeumgang. Parmi ces moines aux allures pacifiques, il y en a plusieurs qui appartiennent aux organisations de résistance. Certains d'entre eux prêchent l'importance de l'indépendance à chaque fois qu'ils se rendent dans des villages pour demander l'aumône. Maintenant, nous sommes avec Shin Byung-ju, professeur d'histoire à l'université Kwangook, qui va nous parler davantage de ce qui s'est passé en Mandchourie. Le mouvement indépendantiste a-t-il été mené là-bas indépendamment de celui de la Corée ? Oui, les Coréens de Mandchourie avaient une approche plus militante que ceux dans la péninsule. Les mouvements d'indépendance ont pris leur envol en 1919 lorsque Woodrow Wilson, alors président des États-Unis, a déclaré le droit des peuples à l'autodétermination lors de la conférence de paix de Paris suite à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Les expatriés ont décidé de montrer plus clairement leur détermination à obtenir l'indépendance. 39 militants qui exerçaient leurs activités à l'étranger, notamment en Mandchourie et en Russie, se sont réunis pour proclamer la déclaration d'indépendance le 1er février 1919. C'était donc un mois avant la déclaration d'indépendance du 1er mars 1919. Pouvez-vous nous donner plus de détails ? Ils ont déclaré que l'annexion forcée par le Japon impérial n'était pas valable et qu'ils continueraient à se battre pour retrouver leur indépendance. Parmi les signataires, il y a plusieurs noms familiers pour les Coréens. Beaucoup d'entre eux figurent en effet dans les manuels d'histoire. Kim Gyu-sik, envoyé officiel de la Corée à la conférence de paix de Paris. Le général Kim Jua-jin, qui a pris la tête des forces armées lors de la bataille de Cheongsang-li. Han Chang-ho, qui est plus largement connu sous son nom de plume Do-san. Les militants et historiens Park Eun-sik et Shin Se-ho, Kim Yak-yeon qui est l'oncle du Kim Dong-ju, Yi Hui-yang qui a vendu tous ses biens pour soutenir la lutte des indépendantistes avant de s'installer en Mandchourie avec plus de 40 membres de famille, le premier vice-président de la République de Corée Yi Si-yang ou encore Cho So-hang, auteur des articles de la charte provisoire pour former le gouvernement temporaire de Corée à Shanghai. Yi Si-yang-sun-sen. La déclaration d'indépendance du 1er février était étroitement liée à celle du 8 février et du 1er mars. Bien sûr, elle les a fortement influencés. Cette déclaration de Mandchourie a donné un grand espoir au peuple coréen. Elle a motivé les étudiants coréens résidant au Japon à déclarer l'indépendance de leur pays à Tokyo le 8 février, ce qui a par la suite suscité le soulèvement du 1er mars. Les Coréens ont proclamé leur indépendance d'abord en Mandchourie, ensuite à Tokyo, puis enfin à Séoul. Que pensait Mary Tyler de l'atmosphère qui régnait dans la capitale coréenne la veille de la déclaration d'indépendance du 1er mars? À la fin du mois de février 1919, j'étais à l'hôpital Sévrance, attendant tranquillement mon accouchement. J'avais une vue sur le quartier commerçant de Namdaemun depuis ma chambre. Dans la matinée du 28 février, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai été étonnée de voir les soldats japonais se tenir sur leur garde devant l'entrée principale de l'hôpital. Les rues étaient bondées de Coréens vêtus tout en blanc. Certains étaient sur leur char à bœufs, d'autres montaient des poneys. En jugé par tous les gens affluents de la gare, un bon nombre d'entre eux pouvaient venir d'autres régions. C'est à ce moment-là que mon mari est entré dans la chambre. Les Japonais ont finalement annoncé le décès de l'empereur coréen. J'ai rencontré quelqu'un de Tokyo hier. Il cherchait un correspondant spécial pour couvrir les funérailles. J'ai immédiatement rédigé une lettre de candidature et la lui ai donnée. Il a ensuite fait faire des cartes de visite pour moi. Il a sorti une carte de la poche de son gilet. Il était écrit dessus: Albert Tyler, correspondant américain spécial pour UP et AP. Fils aîné ce jour-là. Après l'accouchement, j'ai entendu, vaguement consciente, des portes s'ouvrir et se fermer, des gens crier, courir, puis marcher sur la pointe des pieds. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, j'ai vu une infirmière mettre un paquet de papier sous mon drap. J'ai demandé à l'infirmière en chef ce qui se passait. Elle m'a dit: les Coréens auraient caché nos presses imprimées dans un placard de l'hôpital. Les policiers japonais ont perquisitionné le bâtiment et fini par la trouver. Ils ont arrêté certains employés coréens, mais n'ont pas pu retrouver les documents imprimés. Les papiers cachés sous le drap étaient ces documents en question. Allongé dans mon lit, j'ai essayé de comprendre ce que tout cela signifiait. Quelques minutes plus tard, une infirmière a amené mon bébé aux yeux bleus et aux cheveux roses, et avec soulagement, je l'ai pris dans mes bras. Lorsque je me suis réveillée à nouveau, Albert s'efforçait maladroitement de tenir le bébé dans ses bras et, au milieu du désordre, a découvert les papiers. Il a immédiatement posé notre fils et s'est précipité à la fenêtre avec un exemplaire pour le regarder de plus près. Il s'est écrié: tiens, c'est la déclaration d'indépendance de Corée. Il semblait plus heureux de découvrir les exemplaires imprimés que de rencontrer son fils pour la première fois. Cette nuit-là, mon beau-frère William a quitté Séoul pour se rendre à Tokyo avec un exemplaire de la déclaration et l'article que mon mari avait rédigé sur un papier blanc note de l'hôpital caché dans les talons creux de ses chaussures. Sa mission était de transmettre ces informations à la presse américaine. Mary Tyler a été admise à l'hôpital Sémerance pour donner naissance à son bébé. C'est là que le couple a été entraîné dans le tourbillon de l'histoire coréenne. L'hôpital Sémerance se trouve aujourd'hui à Sincheon, mais il devait se situer dans un autre quartier en 1919. Retrouvons une nouvelle fois le professeur Sun Byung-joo. De nos jours, nombreux sont ceux qui pensent à Sincheon ou même à Gangnam lorsqu'ils entendent le nom de l'hôpital Sévérance. Mais à l'époque, il se situait juste à côté de Namdaemun, en face de la gare de Séoul. Les Taylor ont ainsi pu être témoins du mouvement d'indépendance du 1er mars. Donc, Marie a donné naissance à son fils le 28 février et les obsèques de Kuju ont eu lieu le 3 mars. Pourquoi les gens sont-ils arrivés si tôt? L'empereur est décédé le 21 janvier et les funérailles étaient prévues effectivement pour le 3 mars. Sa mort a suscité des soupçons. Les gens se demandaient pourquoi il s'était si soudainement éteint et s'il n'avait pas été tué par les Japonais. Le militant indépendantiste et homme politique Yun Chiu a écrit dans son journal intime que les dents et la langue du défunt étaient toutes noircies et que tout son corps était gonflé, ce qui indique qu'une rumeur circulait selon laquelle Guzheng avait été empoisonné. L'hypothèse de l'assassinat de leur souverain a mis en fureur les gens qui se sont rassemblés à Séoul pour la répétition pour les funérailles nationales prévues pour le 1er mars. Les dirigeants de la résistance ont donc décidé de profiter de cette occasion pour proclamer à l'échelle nationale la déclaration d'indépendance à midi le 1er mars. Des exemplaires imprimés de la déclaration ont été distribués à la foule au moment de la proclamation. Cela signifie que les copies avaient dû être préparées avant le jour J. Les signataires, notamment Song Byung-hi, Choi Lin, Lee Seung-hoon et Han Young-hoon, se rencontraient fréquemment pour préparer le texte. Ils se sont d'abord mis d'accord sur ce qu'il fallait écrire dans la déclaration. La distribution des copies était une toute autre question. À l'époque, ce n'était pas possible de faire des copier-coller, des messages, de les diffuser sur les réseaux sociaux. Le 27 février, de 17h à 23h, quelques 21 000 exemplaires ont été imprimés en secret à l'imprimerie Bosang de la religion autochtone coréenne Chandogyo. Ces copies ont été envoyées dans tout le pays par des organisations religieuses, telles que des églises chrétiennes et des temples bouddhistes. À Séoul, des étudiants ont été mobilisés pour les distribuer dans la nuit du 28 février. Voici un extrait de la déclaration d'indépendance du 1er mars. Nous proclamons par la présente l'indépendance de la Corée et la liberté du peuple coréen. Nous les déclarons à toutes les nations du monde pour témoigner de l'égalité humaine. Nous les annonçons à nos descendants afin qu'ils puissent jouir à perpétuité de leurs droits inhérents à l'autodétermination. Victimes des notions dépassées d'agression et d'autoritarisme, nous souffrons depuis une décennie pour la première fois de notre longue histoire du joug colonial. Notre droit à l'existence est privé, notre développement d'esprit est freiné, notre fierté et notre honneur national sont endommagés, notre opportunité d'apporter notre propre contribution créative au progrès de la culture humaine est perdue. Nous devons délivrer nos enfants de l'héritage de la honte léguée à nos générations futures, des bénédictions et une prospérité. Notre priorité absolue est de garantir l'indépendance de notre peuple. C'est pour cela que nous nous élevons. La conscience est de notre côté et la vérité marche avec nous. C'est à partir de ce texte qu'Albert Tyler a rédigé un article sur la déclaration d'indépendance qui a été publié dans l'édition du 13 mars du New York Times. La résistance des Coréens a continué même après ce jour. Retrouvons à nouveau le professeur Shin Byung-chul. Cet événement symbolique a suscité des grèves des élèves et des travailleurs dans tout le pays. Certains se sont engagés dans des activités militantes, comme par exemple des attaques contre des postes de police japonais. Les Japonais ont ripensé impitoyablement et de nombreux étrangers ont été témoins de l'oppression. Voici quelques témoignages. Je m'appelle Vera Ingerson. J'étais infirmière à l'hôpital Midong dans la province de Pyongan. Je me souviens toujours très bien d'un garçon abattu dans le dos par la police japonaise lors de la manifestation du 1er mars 1939. Un autre jeune homme est venu quant à lui avec des blessures causées par des balles et par des coups de baïonnette. Ils étaient dans un état critique à cause des policiers japonais qui faisaient obstacle à son avons offert. Nous avons pu sauver un bras, mais il restait paralysé. Ce qui m'a attristé le plus, ça était de voir revenir six enfants à l'hôpital 5 jours après avoir été blessés. Ils avaient reçu 30 coups de fouet pendant 3 jours de suite pour avoir distribué des tracts. Ils ont dû subir plusieurs opérations. 2 d'entre eux sont morts au bout de quelques jours. Ils ont dit que leur seul regret était de mourir avant la libération de leur pays. Je suis Elizabeth Case, artiste et enseignante. Je devais monter la garde à l'entrée de l'école pour protéger les élèves. Mais une fille m'a supplié de la laisser sortir. Ses parents qui vivaient en province ont été tués et son frère avait été blessé et frappé par les Japonais. Je n'ai pas pu résister à ses pleurs et supplications. Lorsque je suis allée voir la manifestation, des policiers nippons brandissaient des épées et des bâtons en bois pour battre et arrêter les manifestants pacifiques. Les filles criaient « Manse, vive l'indépendance !» alors qu'elles étaient traînées par les chevaux. Les étrangers ont été impressionnés par la résistance pacifique des Coréens malgré la répression sanglante. Écoutons le directeur de l'Institut d'Histoire du christianisme de Corée, Kim Seung-tae, qui nous en dit plus. Ils étaient au courant de l'exploitation et de l'oppression que les Coréens subissaient. Avant le soulèvement du 1er mars, ils ne les avaient pas vus se révolter contre les Japonais et trouvaient le peuple coréen lâche et moins civilisé. Ils pensaient donc qu'il serait préférable que la Corée soit dirigée par le Japon et ils ont été émerveillés par ce qui s'est passé le 1er mars. Le mouvement d'indépendance leur a montré la nature fondamentale du peuple coréen. Ils ont compris que les habitants du pays de Matin Clair étaient courageux et capables de gérer leur propre pays. Le soulèvement à l'échelle nationale a même converti des étrangers pro-japonais, notamment le missionnaire presbytérien canadien James Gale, qui a écrit des textes sur le courage et la volonté inflexible des Coréens pour l'indépendance. Cependant, le régime colonial a entrepris des massacres collectifs des Coréens. Lisons à nouveau un passage du livre de Marie. Le 16 avril 1919, Albert s'est rendu à Suwon et à Jeonju pour collecter des renseignements sur les massacres dans ces deux villes avec le consul américain Curtis et le missionnaire américain Underwood. Ils y ont vu des villages dévastés par des incendies. Il a également découvert que les soldats japonais avaient enfermé des villageois dans une église et leur avaient tiré dessus par la fenêtre parce qu'ils croyaient que les chrétiens participaient activement au mouvement indépendantiste. Ces incidents horribles se sont produits dans tout le pays. Tyler a transmis des informations sur le massacre de Xiamni qui a eu lieu le 15 avril 1919 à la presse internationale. Voici Shin Byung-joo, professeur d'histoire à l'université Kongo, qui nous en dit plus sur cette tragédie. Plusieurs manifestations ont été organisées autour de ce village près de Hwasong dans la province de Gyeonggi. La police japonaise a ciblé cette région pour étouffer le soulèvement par la force armée, mais les Coréens ont continué à attaquer les infrastructures de l'oppresseur. Les Japonais ont alors manigancé un plan pour attirer les habitants dans une église sous prétexte de leur présenter des excuses contre les crimes commis par un soldat du nom d'Arita. S'attendant à ce que les Japonais s'excusent, tous les villageois de plus de 15 ans s'y sont rassemblés. Lorsqu'ils se sont trouvés tous à l'intérieur de l'église, les soldats ont verrouillé la porte, incendié l'église et tiré sur ceux qui tentaient de sortir. Le massacre de Xiamni a coûté la vie à 28 civils innocents. Cependant, l'opinion internationale a été sensibilisée grâce aux articles publiés dans des journaux américains et européens. Albert, Albert Taylor a évoqué la question et les missionnaires comme Underwood et Schofield ont également protesté contre les atrocités des Japonais. Ils ont essayé de faire part de ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux à travers des photos et des rapports. Voici un autre passage du livre de Marie. Après cet incident, Albert a assisté au procès des militants indépendantistes qui ont dirigé le soulèvement du 1er mars et écrivait des articles pour la communauté internationale. Il investissait autant de temps dans son travail de correspondant que dans son occupation principale. Il semblait très fier de ce qu'il faisait. Nous amorcions notre 5e année en Corée. Un jour, Albert est rentré avec une bouteille de champagne et m'a proposé de porter un toast. Pour notre arbre. Notre arbre. À ma grande surprise, il a dit qu'il avait acheté le terrain avec le Shinko et qu'il allait y construire notre maison. Qu'il coucha. Oui, le palais des délices de mon cœur a ainsi vu le jour. La maison dont je rêvais depuis longtemps était sur le point d'apparaître sous mes yeux. Le moment est venu pour nous de graver le nom de notre maison sur la pierre angulaire. Qu'il coucha. Je n'y ai ajouté que l'année d'édification 1923. Se sont écoulés depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle maison d'Ilkusha. Puis, un jour en hiver 1941. Marie, le Japon a déclaré la guerre aux États-Unis. C'est ce qu'Albert a dit avant d'être emmené par des policiers japonais qui avaient débarqué chez nous. J'ai rassemblé tous les articles qu'il avait rédigés et les ai brûlés dans la cheminée. Comme prévu, les policiers sont revenus le lendemain matin pour fouiller notre maison. Ils m'ont interdit de sortir et de contacter des amis ou des familles. Ils venaient me voir presque tous les jours, m'interroger et me surveiller. Ils m'ont raconté des mensonges. Il me répétait que mon fils Bruce, qui était aux États-Unis, avait été tué. J'étais prisonnière chez moi. Quand je manquais de nourriture, on me laissait une ou deux rangées d'œufs devant la fenêtre. Des poules que je ne connaissais pas se baladaient dans la cour. Je trouvais souvent des faisans morts ou des tintis venus de je ne savais où. C'était des cadeaux de mes voisins coréens. En 1941, Albert Taylor a été arrêté par la police nippone et Marie a été assignée à résidence. Qu'est-il arrivé aux étrangers vivant en Corée à cette époque-là? Retrouvons une nouvelle fois le directeur de l'Institut d'Histoire du Christianisme de Corée, Kim Sung-tae, qui nous en dit plus. Il est bon, on est 1931년에 만주를 지나가잖아요. La Mandchourie a été envahie par l'armée japonaise en 1931. Pendant 15 ans, de 31 à 45, le Japon a livré à ses voisins une guerre en utilisant la péninsule coréenne comme base de ravitaillement. Le régime colonial a mobilisé les Coréens pour la guerre sino-japonaise en 1937 et 2 ans plus tard, Hitler a déclenché la Seconde Guerre mondiale en attaquant la Pologne. Le Japon s'est allié avec l'Allemagne pour se préparer à la guerre contre les États-Unis. En 1940, la rumeur selon laquelle le Japon allait déclarer la guerre aux États-Unis et au Royaume-Uni était si répandue que les gouvernements américains et britanniques avaient recommandé à leurs citoyens de quitter la Corée. La plupart des étrangers, en particulier les enfants et les femmes, sont donc rentrés chez eux au printemps 41. Les très rares étrangers, notamment les missionnaires qui étaient restés, se trouvaient à Séoul jusqu'à ce que les Japonais attaquent Pearl Harbor le 7 décembre de la même année. Le gouvernement général japonais en Corée a gelé les avoirs des étrangers, arrêté les ressortissants de sexe masculin, placé les femmes en résidence surveillée. Cela a duré plusieurs mois jusqu'au 1er juin 1942, date à laquelle tous les étrangers en Corée ont été conduits au port de Busan. Ils sont montés à bord d'un navire à destination de Yokohama au Japon, où ils ont été expulsés vers New York en passant par Singapour et Madagascar. En fait, ils ont été échangés contre des ressortissants japonais détenus aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'était sans doute ainsi que les Taylor ont dû quitter la péninsule. Les Taylor ont été chassés de leur maison à Séoul en mai 1942, découvrant ce qui leur est arrivé par la suite. Après notre départ de la Corée en septembre 1948, je suis montée à bord du navire de transport de troupes Général Altman à destination de Corée. Ce qui était différent de mon dernier voyage était que mon cher Albert n'était pas à côté de moi. Il était décédé 2 mois avant sans jamais revoir sa Corée bien-aimée. Comme s'il avait le pressentiment de sa mort imminente, il me disait souvent: Marie, s'il m'arrive de mourir ailleurs qu'en Corée, ramène mes cendres à Séoul. Pour exaucer son souhait, j'ai décidé d'enterrer ses cendres en Corée. Le matin du jour de ses funérailles, après un court passage à l'église, je suis allée au cimetière des missionnaires étrangers de Yamadin. C'est un bel endroit situé au sommet d'une haute colline avec une vue sur le fleuve Han. Je me suis souvenu des moments heureux passés à Séoul lorsque j'ai reconnu les noms de mes anciens amis sur les pierres tombales. Albert, toi, être avec eux au paradis maintenant. La pierre tombale d'Albert porte l'inscription suivante. Albert Wilder Taylor, né en 1875 à Silver City, Nevada, venu à Séoul avec son père George Taylor en 1897, est décédé à Glendale, Californie, en juin 1948. Épouse de Marie Limmy Taylor, fils Postical Taylor. Le professeur Kim Hickson du département de théâtre et de cinéma à l'université Seoul s'est rendu plusieurs fois au cimetière. Avant de connaître l'histoire des Taylor, je n'avais aucune raison de venir ici. Je ne savais même pas qu'il y avait un tel endroit dans la ville. L'épitaphe d'Albert est très impressionnante. Tu as fini ta tâche dans la vie, tu as reçu ton salaire et regagné ta demeure. Il a essayé de revenir en Corée après la libération. Il a même écrit des lettres au régime militaire américain en Corée dans lesquelles il dit qu'il vivait à Séoul depuis plusieurs décennies et que ses connaissances du pays pouvaient être utiles. Je pense que c'est à ce moment-là que sa santé a commencé à se détériorer. Après son décès en 1948, Marie est revenue seule avec ses cendres. C'est ainsi qu'il repose maintenant à Séoul. Albert, qui a montré au monde entier comment la Corée luttait pour obtenir son indépendance. Marie, qui a décrit leur vie en Corée dans son livre. Leur fils Bruce, qui est né et a grandi à Séoul. Et leur petite fille Jennifer, qui a généreusement fait don de leurs précieux souvenirs à la Corée. Le centenaire du soulèvement du 1er mars est une bonne occasion de se souvenir des actes courageux des Taylor. Avant de nous quitter, voici un dernier extrait du livre de Marie. C'était la Corée pour la dernière fois en 1948. J'ai longtemps contemplé notre palais des délices du cœur. Le Jinko, à côté de Tilkusha, était toujours majestueux avec ses feuilles dorées. Je suis entrée dans la maison après avoir caressé la pierre angulaire. Je suis montée à l'étage pour regarder par la fenêtre les pics du mont Hana sur le soleil. J'ai entendu le poème qu'Albert aimait me réciter. Les mers seront des déserts secs, ma amie. Les rochers fondront au soleil et je t'aimerai toujours, ma amie, tant que s'écoulera le sable de la vie. Kusha et de Collier d'Ombre, l'émission spéciale à l'occasion du centenaire du soulèvement du 1er mars. Merci d'avoir été à notre compagnie. C'était Yunini au micro avec Yunumi et Thierry Laplanche au doublage et Ourayan à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site internet world.kbs.co.kr/french.